Nouveauté Fun Radio. Alan Walker. Sing Me To Sleep. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son Dance Floor. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Matinée, ça tombe bien, c'est que du fun, vous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. Bienvenue, bon réveil, on est en direct, il est 7h pile, je m'appelle David, on est là le samedi et le dimanche entre 7h et 10h et pour m'accompagner, il y a l'homme à la casquette, l'homme de Smart Toys, Kaufman. Hello. Ça va Kaufman? Écoute, oui, dimanche en voiture sur Bruxelles, hein, ah ça, oui. Ça concerne nos amis bruxellois. T'as fait comment toi? Bah écoute, je vais saluer mon taxi, Saïd, de Taxi Vert, qui a été charmant, qui est venu me chercher à la maison, et j'espère qu'il me ramènera ah aussi oui, c'est à ça. La maison, parce que ça j'ai pas encore prévu. En tous les cas, on est là à 7h, 10h pour vous donner eh bien, des informations. On va râler ce matin, on ouais. va lover, on va vous donner des informations jeux vidéo, on va vous donner des informations sur le web, on va vous filer aussi des cadeaux, goodies et jeux vidéo sont au programme de C'est que du fun jusqu'à 10h. Et puis notre bonne humeur légendaire qui va vous aider bien peut-être sûr. À vous réveiller lentement, sûrement, mais doucement, hein, parce qu'il ne faut pas brusquer le réveil le dimanche. C'est important de se réveiller, tu vois, très lentement. C'est plus dur le dimanche que le samedi, non, Kaufman? Écoute, c'est peut-être plus dur, peut-être plus compliqué parce qu'on se dit, mais c'est dimanche aujourd'hui, je ne vais pas me lever. Et puis là, on se dit, mais non, on doit réveiller la Belgique bien ce sûr. Matin. En tout cas, bon réveil à tout le monde si vous venez de vous réveiller à 7h le dimanche. Là. Dites-nous ce que vous faites au 30 44 50 centimes par message. Allez-y, vous allez faire quoi aujourd'hui? Des brocantes, je sais pas, Bruxelles sans voiture, qu'est-ce qu'on peut faire dans les parcs? Moi, on peut être honnête, hein, on peut dormir. Ah oui, on peut dormir aussi, c'est vrai. Allez, 7h01, on est en direct, c'est l'heure du journal des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Le journal des bonnes nouvelles.

Dans un instant, c'est Martin Solveig qui arrive. Et là, on va râler et on va lover avec Kaufman. Le principe est simple. On regarde l'actualité toute la semaine et on prend ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est des pom-pom girls. Tu connais les pom-pom girls, Kaufman? Tu vois ce que c'est? Les pom-pom girls, oui, ce sont les cheerleaders, comme on les appelle aux États-Unis. C'est celles qui supportent leur équipe sur le terrain. Des filles, ouais, des filles avec des jupes roses généralement, là, qui mettent l'ambiance. Et ben là, il y a des pom-pom girls qui ont fait sensation. Ils sont rentrés sur scène et un tonnerre d'applaudissements ont retenti dans la salle une fois qu'ils sont rentrés sur scène. La raison est simple, elles ont toutes entre 70 ans et 85 ans. Et ouais, des pom-pom girls retraitées, ça se passe au Japon. Et pour être de la troupe des Japan pom-pom de Madame Takino, ouais, Madame Takino qu'on salue d'ailleurs, les critères sont stricts, il faut avoir au moins 55 ans, être confiante dans sa capacité à offrir de soi la plus belle attitude. Et ça m'a fait penser que tu rentres parfaitement dans les critères, Kaufman. Écoute, moi je les appellerais plutôt les pom-pom mammy girls. Les pom-pom mammy girls, je trouve que c'est une belle action, tu vois, on est retraité, on sait pas quoi faire, pom-pom girl. Et vraiment ça fait un carton au Japon. Enfin moi je sais plus lever la jambe, donc voilà. Bref, moi j'ai râlé parce que Kim Kardashian, elle fait parler d'elle et souvent beaucoup d'elle. Ouais. Et là, cette fois-ci, la femme de Kanye West ne cache en effet rien à ses fans, comme d'habitude, j'ai envie de dire, même quand elle observe le résultat de son nouveau spray auto-bronzant. Sur Snapchat, ainsi, la mère de North et de Saint, parce qu'elle est quand même mère de deux enfants, a partagé sa manière plutôt originale le résultat de son nouveau spray auto-bronzant depuis son hôtel de Miami. Elle s'est foutue carrément à poil, évidemment. Non. Bah oui, encore une fois de plus. J'en ai marre, moi, trop de nudité, tue la nudité. J'y crois pas une seconde. Mais on voyait tout. Non, tout. Ah, pratiquement tout, oui. Ok, t'as screené, t'as fait quelque chose. Non, parce qu'on peut, on la voit toutes les 30 secondes. C'est vrai. Elle a des nouveaux clichés toutes les 30 secondes. Donc moi, il y a un moment où je me dis. Ok, je veux dire, ça suffit là, ça suffit Kim, hein, si ouais, tu nous écoutes, franchement, préserve-toi, hein, préserve tes enfants, parce qu'après forcément quand ils vont arriver à un âge un petit peu plus conséquent, bah ils verront leur mère un peu partout, c'est dans vrai. Le plus simple apparat, si je puis m'exprimer ainsi. T'as déjà fait des photos un peu dénudées sur Snapchat? Écoute, elles ont été censurées directement, j'ai essayé, puis on m'a dit, message invalide, je dis ok, c'est pas très très grave, hein. Je me suis dit à la radio, au moins on nous voit pas. Et c'est déjà un bon point comme ça. 7h-10h, on est là dans la place les amis. Rejoignez la Fun Family, ça se passe également sur Facebook. C'est que du fun. Bah oui, vous êtes déjà 20 000 à avoir franchi le cap. Vous tapez c'est que du fun, hein, comme vous l'entendez. Et si vous avez envie de nous passer un petit message là en ce dimanche matin, 7h-10, pour les plus courageux qui se lèvent tranquillement, qui pensent déjà à leur très bon petit déjeuner qu'ils vont prendre, hein, parce que dimanche c'est le jour où on prend le temps de petit déjeuner. Les croissants, les pains au chocolat, ouais, le dimanche on en profite. Hein. Tu vois, je savais que... Tu savais de quoi je voulais parler. Ouais, tu parles de bouffe, c'est bon, moi je suis là. Donc voilà, 7h10, on est là jusqu'à 10h. Ouais. Soyez les bienvenus. Et il y aura Destination Web dans quelques secondes, Kaufman. Oui, on parlera pour commencer de Twitter qui entame une reconversion. Et on vous dira tout. Voici Martin Solveig sur Fun Radio. Do it right. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Yo, baby K. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da me. Stacca dal tuo lavoro almeno per un po'. La vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok. Dove la metropoli incontra i tropici. E tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia. Alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. Passando per Londra, da Roma fino a Bangkok. Cercando te. Parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Bon dimanche à l'écoute de Fun Radio, continue le son dance floor avec Dimitri Vegas et Lil Mike. Et là, on part destination web, Kaufman. Oui, j'ai déposé mes valises aux États-Unis, où Twitter, malheureusement, est en perte de vitesse. On l'a vu à chaque fois qu'il y a une application un peu de tendance qui sort. Eh bien, Twitter prend des coups et des mauvais coups, si bien que la fréquentation de l'application commence doucement et sûrement à s'effriter. On l'a vu avec Snapchat, on l'a vu avec Pokémon, on l'a vu avec pas mal d'applis. Dès qu'une appli fonctionne, eh bien, c'est Twitter qui paye le prix. Et là, ils ont peut-être trouvé une solution pour s'en sortir, à savoir que Twitter a effectué ses débuts très remarqués dans le sport télévisé avec la diffusion d'un match de la Ligue professionnelle de football américain, autrement dit la NFL, qui a attiré, tenez-vous bien, 2,1 millions d'internautes sur le réseau social. Ah oui. Donc ils ont signé un accord avec la Ligue de foot. Ils risquent de faire la même chose avec d'autres ligues très bientôt. Et Twitter se verrait bien, tout doucement mais sûrement, acquérir les droits de rediffusion de pas mal de sports, histoire d'être un petit peu le pendant de la télé, mais sur Internet. Ouais, donc ça va devenir une télé nette, quoi. Une télé sur Internet, ouais. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Ça coûte pas un rond à l'internaute. Mais comment ils s'en sortent alors si c'est gratuit? Faut bien les acheter, les matchs, oui, les droits. Oui, ils achètent les droits, mais ils ont payé à peu près 10 millions de dollars pour la NFL. Ok. Qui est une bouchée de pain, hein, à savoir que les grands networks américains payent 10 fois, 15 fois, 20 fois cette somme pour pouvoir broadcaster, téléviser les matchs. Ok, donc c'est magnifique, c'est une bonne action de la part de Twitter. Facebook va sûrement enchaîner avec, non? Écoute, on attend, c'est comme un match de boxe, hein, à chaque fois qu'il donne un coup, l'autre boxeur riposte. Toujours est-il que les débuts sont réussis pour Twitter dans la retransmission sportive. Et dans la prochaine heure, au niveau de la destination web que je vous proposerai, eh bien, je vous parlerai d'une appli qui a déjà conquis un étudiant sur 7 en Belgique. Un étudiant sur 7. Ouais. Ok, très bien, on évoque ça dans quelques secondes. Il y aura aussi le sport, on va parier sur le sport, sur toutes les rencontres sportives. Il y a du football, du tennis, de la Formule 1, il y a beaucoup, beaucoup de sport ce week-end. Kaufman, t'es encore prêt à parier et à donner tes pronostics? Tu as toujours un billet sur toi quand même, toujours un billet de 200. Je sais que quand je viens ici, je dois sortir l'argent. On évoque tout ça juste après. Dimitri Vegas et Lil Mike sur Fun Radio.

On continue le son de Dance Floor ce matin, dimanche matin, avec Egophonic. Et c'est le moment de parler sport dans l'émission. Kaufman, c'est bon, t'as mis tes crampons, t'es chaud? Oui, oui, si on parle football, je mettrai mes crampons. Si on parle Formule 1, eh ben, je sortirai ma petite voiture de course. Et si on parle polo, eh ben, je te laisserai parler tout seul. Et ben là, on va commencer par du football avec la première ligue anglaise, Watford contre Manchester United. Je vais donner les cotes. Les cotes, c'est juste le moment de parier. C'est par exemple, si vous misez 1 euro et que la cote est de 2, vous gagnez 2 euros. Et là, la victoire de Watford, elle est cotée à 6. Le match nul, 3.7, victoire de Manchester United 1.6. Manchester United, très bien. On va partir maintenant du côté de la France avec la Ligue 1, Marseille contre Lyon. C'est le match du week-end, victoire de Marseille 2.6, match nul 3.1, victoire de Lyon 2.5. Lyon 2.5, ouais, très bien. À l'extérieur en plus. Lyon à l'extérieur, effectivement. Maintenant, on va aller du côté du tennis. C'est la Coupe Davis en ce moment, Kaufman. Oui. Tu as regardé un petit peu? La Belgique se maintient dans le groupe mondial, donc a priori, je suis content. T'es content? Là, on va s'intéresser à un match entre Marin Cilic et Richard Gasquet. Victoire de Cilic 1.4, victoire de Gasquet 2.5. Cilic? Cilic? Ouais. Ouais, je crois que tu le connais pas celui-là. Bah si, Cilic Bang. Cilic. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. D'accord. Mais il est aussi efficace. D'accord. T'inquiète pas. Et un autre match, Andy Murray contre Guido Pella. Victoire de Murray 1.01, victoire de Pella 8.2. Murray. Ah ouais. Ah lui, je le connais par contre. 8.2 pour Pella quand même, ça. Ouais, non, mais j'ai pas d'argent à perdre. Très bien, donc victoire de Murray, victoire de Cilic, victoire de Lyon, victoire de Manchester United pour toi, c'est bien ça? Écoute, je valide. Ok, on valide ça, très bien. Pour la suite de l'émission, on va parler de jeux vidéo, Kaufman. Ah oui, j'ai peut-être une date de sortie à vous proposer pour la Nintendo NX. Je me suis creusé, j'ai regardé les infos et je vous dirai ce qu'il en est ressorti. On va également parler de télévision. Il y a une nouvelle émission qui va arriver sur la ATBF aujourd'hui. Ah oui. T'es au courant, toi, je crois? Oui, oui, bien sûr. On évoque tout ça juste après Egophonic sur Fun Radio. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs, j'm'envole ailleurs, ailleurs, ailleurs, j'm'envole ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. De tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine, sans pompe pas. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. Je m'envole ailleurs. Dance Floor continue avec Eva Simons. Et là, on fait un tour du côté de la télévision, parce que la RTBF va lancer une nouvelle émission aujourd'hui. Ça s'appelle À votre avis. Est-ce que tu es au courant de cette info, Kaufman ? Oui, je suis au courant. C'est l'émission politique dans laquelle il va y avoir moyen de réagir via son smartphone. Effectivement, une application a été créée à l'occasion. Ça s'appelle À votre avis, présenté par Sacha Daou. Des personnalités inconnues, des téléspectateurs aussi, qui comptent bien se montrer incisifs face aux politiques. Il dit, Sacha Daou, que ce ne sera pas un talk show de société. Il a l'ambition de traquer la langue de bois et l'ambition d'offrir le meilleur débat sur le fond et d'attirer un public plus jeune et plus connecté, d'où l'application. On pourra réagir en direct, on pourra sur un sujet, on pourra dire si on est pour, si on est contre. On pourra également poser des questions aux politiques en face de soi. Ça commence ce dimanche vers midi sur la une, sur la RTBF. Tu vas regarder ou pas, Kaufman ? Non, en plus je trouve que sur la RTBF c'est pas forcément le meilleur public, tu vois. Il parle de public connecté. Ouais. Je suis pas sûr que la RTBF soit le meilleur canal pour organiser ça. Maintenant, il faut voir, hein, mais à midi je dors. À midi, tu dors ? Tu vas être couché après ? Oui. Ah, tu vas dormir après, toi. Écoute, oui, je vais faire ma nuit quand même. Attends, on prépare toute la nuit l'émission, on arrive ici. Faut bien un moment ou un autre qu'on passe notre week-end. C'est vrai. Dans quelques secondes, on fait un point sur vos messages. On vous dit comment nous joindre. Ça se passe tout ça juste après Eva Simon sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 10h et en direct. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough for your mind. Can I really let you go? No, oh, oh, oh. I'm holding on for life, 'cause I can't escape, hey, hey, escape from love. The song Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. For the longest time we're jamming at the party, and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. Turn me on, let me jam you, girl, whip all around me. tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, oh. Turn me on, turn me on. Let me jam you. Fun Radio et le son de mots. Et on reste connecté ensemble via la page Facebook Kaufman. Oui, vous avez envie de nous passer un petit message, de nous dire comment ça va ce matin la famille. Eh bien, vous n'hésitez pas à vous connecter sur vos comptes Facebook ou là, vous tapez C'est que du fun dans la barre de recherche et vous rejoignez les 20 000 fans de la page C'est que du fun. Bah oui, vous pouvez nous envoyer un message privé, vous pouvez commenter, vous pouvez... Regardez ce qu'on a fait de beau pendant la semaine. Et je vous annonce aujourd'hui que tout à l'heure, il y aura un concours visant à vous faire gagner un superbe objet qui s'appelle Wistiki, qui vous permettra de ne plus jamais perdre vos clés. Ça se passera uniquement sur Facebook. C'est un objet connecté qui fonctionne avec votre smartphone. Autrement dit, lorsque vous ne trouvez plus vos clés, vous allez sur l'application Wistiki, vous l'enclenchez et là, vos clés se mettent à sonner miraculeusement. Ça marche top, aussi si vous ne trouvez jamais votre voiture quand vous êtes garé, eh bien, avec cette application-là, vous pourrez tout faire et ne plus jamais être pris au dépourvu. Ça s'appelle Wistiki. On vous en offre exclusivement tout à l'heure sur Facebook. Okay. Après l'émission, le concours sera mis sur la page C'est que du fun, un objet connecté. Très sympa. En plus, ça fonctionne, entre guillemets, sans batterie. Il n'y a pas besoin de changer les piles. Au bout de 3 ans, forcément, ça s'éteint. Okay. Mais bon, vous en aurez l'utilité pendant 3 ans. Pendant 3 ans, carrément. Ouais. Ça fonctionne avec son smartphone. Vous l'attachez avec votre porte-clés. Et puis là, c'est cool, ça, parce qu'on perd tous nos clés, tu vois, ça arrive à tout le monde de perdre ses clés. Surtout toi. Moi je perds tout, donc mais on perd nos clés. Donc là, on met juste le truc sur les clés, c'est ça, on le relie aux clés. Et voilà. Hop, après on prend son smartphone, l'application, et hop, on ouvre ça et ça sonne. Exactement. Oh, c'est magnifique. Ça fait mieux que sonner, ça fait une petite musique. Oh, carrément une petite musique. J'adore ça. On offre ça donc sur la page Facebook. Exclusivement sur la page Facebook. Ça se passera tout à l'heure. On met ça en ligne tout à l'heure. Vous tapez C'est que du fun, vous devenez fan. Et tout à l'heure, on met le concours en place. Et vous pouvez également nous parler au 30 44 50 centimes par message. Dites-nous ce que vous allez faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Est-ce que vous allez reprendre le boulot, les cours? Certainement, hein. Les cours ont déjà repris pour beaucoup. Même les universités qui sont en train de reprendre, je crois, Kaufman. Ah bah oui, il vient d'avoir le week-end de proclamation. Autrement dit, ils ont reçu leur beau diplôme. Certains vont aller travailler et d'autres vont recommencer l'année parce qu'ils n'ont pas réussi. C'est la vie qui va ainsi. Soyez les bienvenus, c'est Fun Radio. Merci de nous avoir choisis. Voici Mo et Final Song. Please, won't you wait? Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Don't let this be our final song. we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear when you're by my side. Brancher sur Fun Radio, vous avez bien fait. Ken Jones qui arrive. Et dans quelques secondes, l'actu des jeux vidéo. Oui, on parlera de la Nintendo NX, à savoir de la console hybride, celle qui se branche à la fois sur la télévision et que l'on peut transporter avec. C'est la nouvelle console de Nintendo et tout le monde se demande quand elle pourrait sortir. Moi, j'ai un petit indice à vous donner, à vous de deviner éventuellement la date de sortie et de nous l'envoyer au 30 44 57 le message. C'est entre, allez, on va dire le 1er octobre et le mois de mars 2017. Entre octobre et mars, ok. On peut donner que le mois ou faut donner la date précise? Toi, t'as la date précise ou t'as le mois? Moi, j'ai une supposition de date précise. Ok. Donc, j'attends la même chose de nos auditeurs qui s'y connaissent en jeu vidéo. 3044 pour 50 cents le message. Envoyez-nous la date de sortie de cette nouvelle console de chez Nintendo. Elle se branche à la fois sur votre télévision et peut se transporter avec vous. Et elle pourrait éventuellement aussi lire tous les jeux que vous pouvez télécharger sur smartphone. Un indice, ça dit après Noël ou avant Noël? Après Noël. Après Noël. Moi, je dirais, je sens bien vers le 25 janvier. Ça sent le sapin. Allez-y au 3044 si vous avez une idée de la date de sortie. On évoque tout ça juste après Ken Jones sur Fun Radio. Gagnez le tout nouveau bijou de chez Apple, l'iPhone 7, grâce à Fun Radio. Fun. Dès lundi, écoutez l'Happy Hour avec Audrey de 17h à 20h et Fun Radio Connected de 20h à 22h. Et gagnez votre iPhone 7 en envoyant iPhone par SMS au 6322. Un euro le message. Merci Fun. Les cadeaux les plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son d'Aix. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Fun Radio. Fun Radio. Le son de Dance Floor.

come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dog. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. Fun. Nouveau tube Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Bonfire. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son des flores. I can hear the whispers around me. Around me. Hurt. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts. But shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up. Bon dimanche matin avec Fun Radio et le son de Calvin Harris et Rihanna. Et la place à l'actu des jeux vidéo. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On va parler de la Nintendo NX, cette console hybride qui, eh bien, s'attache, se connecte plutôt à la télévision, à votre téléviseur, mais également s'emporte un peu partout avec soi. Ouais. Une double utilité que Nintendo n'a pas encore dévoilée au grand public. Et donc, on a passé tout notre étude sur Fun Radio à spéculer sur les éventuelles dates de sortie. Toujours est-il que des internautes ont remarqué en parcourant des amiibo déjà sortis. Les amiibo sont des petits personnages que Nintendo utilise dans des jeux. Ouais. Sur le thème de la franchise Zelda, que la boutique propose déjà des articles similaires, parmi eux de multiples figurines, donc des amiibo, à l'effigie du prochain épisode de la saga Zelda, très attendu sur Wii U, mais aussi sur Nintendo NX. Okay. Si l'on savait que le titre et la machine paraîtraient sans doute en mars prochain, cette fuite pourrait indiquer une sortie rapide, puisque les figurines sont annoncées pour le 4 mars 2017. 4 mars 2017, ouais. C'était la date dans votre calendrier. Je parierais pas ma chemise, je parierais pas mon caleçon que ça sort à 100% à cette date-là. Tu paries quoi alors? Et je parie en tout cas toute ma sympathie. Tu fais l'émission en Pikachu si c'est pas la bonne réponse. Bah ça je la fais tous les dimanches en Pikachu. Avec ma tête de Pikachu, tout va bien. Notez cette date dans votre agenda. On est les premiers à vous la donner. Fun Radio premier sur les jeux vidéo chaque samedi, chaque dimanche, 7h, 10h. Le Fun Games, c'est l'essentiel de l'actu jeux vidéo. Là on prend des risques. On vous dit que la Nintendo NX sortira sans doute peut-être le 4 mars 2017. C'est une affaire à suivre. On manquera pas de vous en parler. Très bien, quelques secondes, le Saral Salove. Tu vas lever sur quoi, Kaufman? Écoute, je vais lever sur Bruges, ville belge, ouais. Bien connue pour ses canaux. On l'appelle la Venise du Nord et il se peut aussi qu'on l'appelle bientôt autrement, mais je vous en parle dans quelques secondes. Ok, moi je vais râler sur Cristiano Ronaldo. Je vais me clasher avec lui, vous allez voir ça dans quelques secondes. Je suis pas du tout content à propos de Cristiano Ronaldo. On en parle juste après les journaux des bonnes nouvelles sur Fun Radio, les 8h. Nouvelle. Bonjour à tous, il y a de quoi être pris de vertige ou peut-être même de perdre le nord. Une troupe de danseurs américains s'est livrée à une performance des plus originales en début de semaine sur le mont Tianmen en Chine. La troupe en effet exécutait une chorégraphie sur le versant d'une falaise, soit entièrement à la verticale, le tout à 1300 mètres au-dessus du vide. Sous le regard contemplatif des nombreux touristes venus assister au spectacle, les artistes équipés de cordes de sécurité se sont produits en prenant en compte aussi bien la structure de la falaise que la végétation environnante et les nuages présents dans le ciel. Et pour cause, la troupe Bandaloupe avait à cœur de se concentrer sur l'harmonie entre les humains et la nature. Mission accomplie, à vous d'en juger. La vidéo circule sur le net depuis plusieurs jours. L'édition 2016 de la Semaine de la Mobilité a débuté vendredi. Partagez la route, on s'y met tous. Le slogan de cette édition 2016 est un appel à sortir de nos habitudes, à se passer quand c'est possible de la voiture en solo et privilégier d'autres modes de déplacement. La Semaine de la Mobilité joue la carte de la multimodalité, adaptée au jour le jour ses modes de transport en fonction de ses trajets. Combiné vélo, train et marche par exemple, la Wallonie développe un vaste réseau de covoiturage avec 28 parkings privés et publics qui accueillent 1400 places réservées aux covoitureurs. 439 places seront bientôt inaugurées dans 44 communes wallonnes. Une application mobile permet également à chacun de trouver un covoitureur pour des trajets réguliers ou via une recherche en temps réel. Des mobiguides sont également présents dans 5 villes wallonnes pour sensibiliser les automobilistes et les inciter à tester d'autres modes de déplacement. Ils seront à Serein ce lundi, à Jean-Blou mardi, à Marchand-Famène mercredi et enfin à La Louvière jeudi. De nombreux manchots du Cap, une espèce en danger, ont subi les conséquences d'une coulée de pétrole en Afrique du Sud. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à des sauveteurs locaux, près d'une centaine d'entre eux ont été sauvés et retrouvent peu à peu la vie sauvage. Il a fallu 2 heures de nettoyage pour chacun de ces manchots. Le 16 août dernier, un navire encore aujourd'hui recherché par les autorités d'Afrique du Sud a causé une marée noire au large des côtes de Port-Elisabeth, piégée dans le pétrole. La plupart de ces manchots n'auraient pas survécu sans leurs sauveteurs. Le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur dimanche dernier de l'US Open de son 3e tournoi du Grand Chelem, a marqué beaucoup de points au classement ATP publié en début de semaine. Il demeure cependant campé sur la 3e place mondiale, se rapprochant tout de même du Britannique Andy Murray et du Serbe Novak Djokovic, qui conserve malgré sa défaite en finale à New York sa première place avec une avance encore confortable sur ses dauphins. Le japonais Kei Nishikori, demi-finaliste de l'US Open, progresse de 2 places et fait son entrée dans le top 5. Le côté belge, David Goffin reste bien ancré à la 14e place mondiale, alors que Steve Darcy a gagné 3 places et pourrait bien faire son entrée dans le top 100. On termine par la météo pour ce dimanche. En raison d'un contexte assez anticyclonique, les précipitations vont disparaître temporairement. Il fera normalement sec et généralement très nuageux malgré tout. Les éclaircies étant de plus en plus rares au fil des heures, les températures seront de 18 à 20 degrés suivant les régions. Bonne journée avec nous sur Fun Radio. Je vous retrouve demain avec Bruno dans la radio et pour l'instant, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. En direct sur Fun Radio, c'est que du fun avec le son de Justin Timberlake. Et c'est le moment de râler et de lover. On commence par le love de Kaufman. Oui, j'ai râlé, j'ai lové plutôt sur une ville belge, en l'occurrence Bruges, la Venise du Nord, déjà célèbre pour ses canaux. Eh bien, elle le sera désormais pour une canalisation à bière. Ah ? Un métro pour la bière, en d'autres termes, a commenté le bourgmestre de la ville. Et oui, il y a une espèce de biéroduc maintenant qui a été inauguré. Le parcours du biéroduc d'une longueur de 3276 mètres, plus 3 km, est entièrement situé en domaine public. C'est une très grande première que la ville de Bruges a proposée. C'est l'initiative d'une brasserie qui ainsi facilite le transport de la bière entre les cafés et la brasserie, puisque dès qu'elle est produite, elle peut aller dans les cafés. D'accord, ouais. Donc plus besoin de la mettre en bouteille, plus besoin de la mettre en fût. Elle est directement transportée là où elle doit être transportée. D'accord, via un chemin qu'ils ont créé, c'est ça ? Sous terre. Ah, sous terre ? Ah oui, ça passe près d'une canalisation d'eau. Imagine-toi, monsieur et madame, tout le monde qui à terme pourra avoir un. Ben oui, un biéroduc. Ah, je savais pas, je connais pas. Eh ben écoute, on est là aussi pour informer les gens, surtout quand l'initiative est belge et on la salue. Et donc peut-être que monsieur et madame, tout le monde aura un petit fût, enfin une petite pompe à bière. Bah ouais. Chez eux. C'est comme t'ouvres ton robinet à eau en bah fait. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu bois ? Une bière. Et moi une eau, c'est bon. Ouvre ton robinet, il y a la bière qui coule, c'est formidable ça. Et ça se passe à Bruges. Ok, belle initiative, effectivement. Moi j'ai râlé Kaufman à propos de Cristiano Ronaldo qui a fait parler de lui cette semaine après le match de Ligue des Champions. Après la victoire de son club, le Real Madrid, il a posté une photo de lui en slip. Tu vois, en slip. Hein, normal, on a tous fait ça après une victoire, on s'est tous mis en slip, Kaufman. Ah hein. Oui, c'est la fête du slip après une victoire. Et sur ce selfie, on aperçoit un numéro sur le slip. Ah bon ? Oui, on aperçoit le numéro 7. Mais t'as été chercher loin, hein, toi. T'as vu ça ? Et c'est son numéro, en fait. Et ça m'a fait râler, parce que le mec, il fait encore de la promo, c'est le seul. Hein. C'est le seul dans le vestiaire qui a pris une photo en slip, avec en gros. Mais en gros, en fait, il est en slip. Son numéro de téléphone ? Non, il est avec son numéro de joueur, en fait. Mais il joue pas pour l'instant. Mais si, il joue. Il a joué cette semaine. Ah, d'accord. Et donc, il a gagné avec le Real Madrid, et il a mis une photo de tout le monde, quoi. Il y a que lui, tous les autres sont normales en short maillot. Et lui, il est en maillot, il est en slip. Mais le slip, tu vois, bien moulant déjà. Ouais. Et avec le numéro 7, en gros, là où tu vois, tu vois. Et je trouve ça, bah, il me fait râler ce mec parce que il en rajoute toujours, il fait de la com toujours. C'est de la communication parce qu'il a une marque qui s'appelle CR7. Et donc il en rajoute, il en fait trop pour moi, il en fait beaucoup trop. Je préfère le voir sur le terrain qu'en slip après sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. Ça sent la jalousie plutôt que le vrai râle sincère, tu vois. Non, je suis pas content parce que Ronaldo il est bien meilleur en footballeur qu'en mannequin. Là, il fait son petit mannequin en slip, ça m'énerve. Voilà, je suis pas content. Écoute, si tu veux, ça te fait plaisir, tu peux te mettre en slip. Hein. Allez, je m'en vais. Allez, non, pas de problème. On est jusqu'à 10h, restons calmes. Et avant 10h, il y aura des cadeaux. Des jeux vidéo. Ah, on offre quoi ? Des jeux vidéo à gagner. Il y aura également une Whistiki à remporter. Ça se passera sur Facebook. C'est que du fun juste après l'émission. Et là, voici Justin Timberlake. Can't stop the feeling sur Fun Radio. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Move while you already know. So just

Bienvenue à tous, on continue le son dance floor avec The Chainsmokers. Me down. 8h17, on est en direct et c'est le moment de jouer. Kaufman a ramené tous les cadeaux, Kaufman. Hein. Goodies, collector de World of Warcraft, d'Overwatch, mais également jeux vidéo Attack of the Titan, une anime japonaise qui a été transformée en jeu vidéo. Bah, tout cela est à gagner, peut-être pour vous, si vous découvrez à quoi correspond le prix que notre ami David va vous donner. Effectivement, le principe est simple, j'ai un prix en tête, et au 63,22. Ça se passe au 63,22, 1€ par message pour envoyer la bonne réponse et deviner l'objet. Le prix du jour, 953€. À quoi correspond ce prix? Kaufman va poser des questions pour vous aider. 953€. 953€. T'as tapé dans les prix. Ah là, c'est fort, hein. Est-ce que c'est un objet professionnel ou privé? Privé. D'accord, est-ce que c'est un objet électrique? Électrique, oui. Électronique? Électronique, non. Est-ce que petits comme les grands s'en servent? Les grands, plus les grands. D'accord, est-ce qu'il se situe dans une pièce particulière de la maison? Oui. Est-ce qu'il se situe dans le salon? Non. Dans la salle de jeu? Non. Dans la chambre à coucher? Non. Dans la cuisine? Oui. Il se situe dans la cuisine? Il peut se situer dans la cuisine. Pas seulement? Non, on peut le mettre ailleurs aussi. D'accord. Dans la salle de bain? Non. Dans les toilettes? Non. Parce que j'aime bien manger la paella dans les toilettes, donc on peut la cuisiner, tu vois. Dans la cave? Ouais, dans la cave. Ouais, dans une sorte de cave, quoi. Donc je récapitule, c'est un objet qui vaut 953€. C'est ça. Qui est aussi bien dans la cuisine que dans la cave? Ouais. Qui est électrique? Effectivement. Est-ce qu'il a une dimension relativement grande? Oui. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Allez-y, hein. Kaufman n'a toujours pas trouvé la bonne réponse. 953€. On me dit un frigo au 63,22. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Mais on n'est pas loin, donc ça chauffe là déjà. Hein. Ah, on n'est pas loin d'un frigo. Ouais, ça chauffe, c'est pas mal. Un numéro qui termine par 37, là, le frigo, c'est pas mal du tout. Donc allez-y, 63,22 pour envoyer la bonne réponse et gagner un max de cadeaux aujourd'hui. Kaufman a vraiment fait le plein, donc allez-y, 63,22 pour proposer. Et je vous dis si c'est bon ou si c'est pas bon, hein, Kaufman. Bon, j'allais dire un micro-ondes, mais un micro-ondes dans la cave, ça fait un peu loin, tu vois. Je dis non pour le micro-ondes. Est-ce que ça sert à surgeler? À surgeler? À surgeler, oui. Allez, on va dire oui. On me dit une machine à laver au 63,22. Non, c'est pas la bonne réponse. On me dit également un lave-vaisselle au 63,22. C'est toujours pas la bonne réponse. Donc allez-y, 63,22 pour envoyer votre bonne réponse. Plein de cadeaux pour l'instant. Personne pour l'instant a trouvé, je crois, hein. Parmi les réponses que je reçois, on me dit une cave à vin. Non, c'est pas la bonne réponse au 63,22. Est-ce que ça sert à surgeler, donc? À surgeler, oui. D'accord. Je peux dire oui, oui. Est-ce que c'est un freezer? Un freezer? Non, je peux pas dire ça. D'accord. Je peux pas accepter ça, tu vois, Kaufman. On n'est pas très loin de la bonne réponse, mais je peux pas accepter ça. Donc c'est peut-être plus gros et ça sert peut-être à stocker en quantité. Ouais, voilà, on peut stocker vraiment en masse là-dedans. On me dit un frigo américain en 63,22. Non, je peux pas accepter non plus le frigo américain, c'est pas le mot que je recherche. Ouais. Voilà. Attends, un frigo américain, c'est celui qui fait les burgers ou quoi? Non, tu connais pas le mais frigo oui, américain? Mais oui, qui fait les glaçons. Mais oui, il fait des porte. Ah, tu connais toi, malin. Ouais. Est-ce que t'as trouvé la bonne réponse, Kaufman? Écoute, est-ce que je peux donner, je dirais, son abréviation? Oui, tu peux donner l'abréviation. Si tu donnes les trois premières lettres, ça me va. Non. Non, non. Moi, je voulais dire que ça s'appelle, dans le langage courant, mais c'est pas le vrai nom. Ok, vas-y, dis-moi. Le congélo. Le congélo. Ah oui, effectivement, on dit le congélo. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, vraiment, Kaufman, tu l'as dit. Goodies et jeux vidéo sont au programme. Allez, mesdames, messieurs, c'est le moment, c'est l'instant. 63,22 pour 1€ le message. On me dit un surgélateur. Non, ça, je peux pas accepter. C'est pas le mot que c'est je recherche. Presque ouais, ça. Mais c'est pas le mot que je recherche, je suis désolé. On me dit un freezer. C'est pas le mot non plus que je recherche. Un bahut. Je connais même pas le mot et c'est pas celui que je recherche. On me dit un réfrigérateur.

death in Tucson, okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down Martin. 4 years, no car. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room, and I can blow that. We ain't never getting older. Matinée à l'écoute de Fun Radio. Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. Je vous propose de découvrir un nouveau son Fun Radio, ça s'appelle Parov Stellar. On est en direct jusqu'à 10h, c'est que du fun. Bye. continue le son dance floor avec Boosty. Et là, c'est le moment de connaître la réponse au combien ça coûte. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir joué Kaufman. Lui a trouvé hein, la bonne réponse, c'est sûr. Hein. Je pense, en tout cas, on va vérifier. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui. Il s'appelle Lionel. Ça va, Lionel? Ça va bien, ça va. En pleine forme, tu fais quoi de beau là dimanche matin, 8h30? Je maçonne mon abri de jardin. Ah, tu maçonnes ton abri de jardin, voyons. C'est les voisins qui vont être contents. Hein. 8h30, les mecs. Effectivement, effectivement. T'habites à leur fenêtre. T'habites en ville ou en campagne? Non, en ville. Ah, oui, en plus. Ouais, merde, oui, les voisins. Attends, mais tu sais que c'est interdit de faire ça le dimanche. Oh, c'est pas grave, il y a des gens qui ont que le week-end pour travailler. Hein. Ah oui, t'as raison. Heureusement que t'es pas mon voisin. Hein. Je te lancerai des pierres à la figure. Moi. 8h32. Bon réveil. C'est quoi la réponse, Lionel? 953€, ça correspond à quoi? Un congélateur. Un congélateur, on vérifie. Bravo, Lionel. Tu repars avec des cadeaux, Kaufman. Tu aimes les jeux vidéo? Pardon ? Tu aimes les jeux vidéo, Lionel ? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, on va t'offrir une brique en forme de jeu vidéo. Hein. Comme ça, tu pourras la maçonner. Non, tu pourras du tout. On va t'offrir des goodies jeux vidéo. Tu vas recevoir un t-shirt World of Warcraft, une exclue Fun Radio. J'espère que tu nous enverras une petite photo hein, avec le t-shirt, que tu vas te la payer là sur les chantiers. Ok, ça va, super. Ne bouge surtout pas, bon courage pour tes travaux, bon courage à tes voisins aussi. Lionel, on prend tes coordonnées en antenne, ok, ne bouge pas, ça va? Ok, merci, bonne Allez, journée. Allez, bisous, bisous, bonne journée Lionel. Pour la suite de l'émission, ça se passera avec le Topito, le top 5 des significations de prénoms. Tu sais ce que ça signifie ton prénom? Tu t'appelles David comme moi? Ouais. Tu sais ce que ça signifie ou pas? Bah non, mais j'ai pas forcément envie de le savoir. Eh bien la réponse, ça va être juste après Boosty. On va parler d'autres prénoms également, il n'y aura pas que David, hein, vous inquiétez pas. Boosty avec Popcorn, c'est le son que je vous propose maintenant sur Fun Radio. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Déboussolé dû au manque de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Je Dans quelques secondes, c'est Galantis qui débarque sur Fun Radio. Et place au topito du jour, le top 5 des significations de prénoms. Cinquième position, Kevin. À ton avis, ça signifie quoi, Kevin Kaufman? C'est qu'on vient de Charleroi. On vient de Charleroi. Ils s'appellent tous Kevin là-bas. C'est vrai. Non, ça signifie beau garçon. Voilà, tous ceux qui s'appellent Kevin, ah, ça signifie beau garçon. Eh oui. Marie, en quatrième position, ça signifie quoi pour toi? C'est-à-dire qu'on est vierge. Ah. Du non. Signe, ouais, signe zodiaque. Ouais, bien sûr, je comprends bien, oui. La réponse, non, c'est pas ça, ça veut dire goutte de mer. Une goutte de mer. Marie, ça veut dire goutte de mer, c'est joli, hein. Bon. Tant que c'est pas la goutte qui fait des bords de vase. Troisième position, Pauline. À ton avis, Pauline. Pauline. Ouais. La coquine. Pauline, la coquine. Non, Pauline, ça signifie petit. Comme Pauline, tu vois, pépé, petit. Bien sûr. Et c'est en quelle langue ça signifie ça? Mais en fait, c'est l'étymologie du mot, en fait. On prend l'étymologie, latin ou grec, et après on traduit en français, et ça donne ça. C'est bien ce que je pensais, t'es un vrai charlatan. Si, je te jure. Deuxième position, Thomas. À ton avis, ça signifie quoi, Thomas? Je sais pas. Les jumeaux. Ça signifie jumeau. Et première position, David. Oui. Tu vois, c'est mon prénom, c'est ton prénom, David. Oui. Ça signifie quoi pour toi, ton avis, David? Intelligent. Intelligent? Comment est-ce qu'il raconte celui-là? Eh bien, presque, j'ai envie de te dire. Ah, tu vois? Ça signifie le bien-aimé. Le bien-aimé, David, le bien-aimé sur Fun Radio. Dans ton cas, ça signifie grand front apparemment, mais bon. David est bien-aimé sur Fun Radio. Oui, pourquoi pas. Allez, dans quelques secondes, on va encore parler de jeux vidéo avec Kaufman. Hein. On parlera jeux vidéo, forcément, on vous offrira des goodies et des jeux vidéo. Et rappelez-vous qu'à la sortie de l'émission 10h, ah 10h30, oui. Eh bien, on va vous offrir Wistiki, la solution pour ne plus perdre. C'est pas un singe, clé. Non, c'est pas un singe. Mais non, c'est un device pour ne plus perdre tes clés. Et voici Galantis, No Money sur Fun Radio. On vous souhaite la bienvenue, une bonne matinée si vous vous réveillez. C'est que du fun et c'est jusqu'à 10h. Welcome la famille. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away.

Continue le son Dance Floor avec Jonas Blue. Et là, on s'intéresse aux jeux vidéo. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on va reparler de Nintendo, mais cette fois-ci, on va parler de Nintendo qui interdit à ses fans de faire des jeux vidéo inspirés de ses plus grandes licences. On le sait, quand par exemple un jeu vidéo suscite l'engouement, eh bien il est très vite détourné sur le web. Ouais. Il est très vite transformé en d'autres jeux sur le web. Et Nintendo a décidé de mettre un terme à ces manipulations. Le géant japonais a en effet mis un terme à des projets de fans comme No Mario Sky, inspiré directement de Mario, de Return of Samus, inspiré de... J'ai perdu le nom de... Je peux pas t'aider là. Ou encore de Pokémon Uranium. Ce sont tous des projets qui ont été déclinés à base de franchises Nintendo. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que Sega, grand ami et grand rival de Nintendo, via son attaché de presse, bien rigolé de cette situation, en allant notamment commenter une de ses vidéos sur Sonic, qui est en fait aussi beaucoup détournée dans des jeux de fans, et qui dit: vous continuez, on va jamais rien vous interdire, ça fait vraiment plaisir tous vos délires. Et donc ils en ont rajouté une petite couche. Toujours est-il que si vous aviez envie de détourner une des franchises et une de licence de Nintendo, eh bien je vous conseille de pas le faire. Ouais, mais là Sega, j'ai dit bravo à l'attaché de presse, c'est ça qui a mis le message là. C'est bien de dire ça, toi, de la part de Sega, de dire bah nous vous pouvez détourner, allez-y les gars, nous c'est tranquille, on n'est pas comme Nintendo, on va pas vous faire chier si vous détournez la licence. C'est bien quand même. Ouais, c'est plus précisément un community manager qui a réagi contre Nintendo, et évidemment La toile n'a pas tardé à réagir. Des informations jeux vidéo, il y en aura encore avant 10h. Des cadeaux jeux vidéo, il y en aura encore. On vous a parlé de notre box. Ah oui, la grande box Fun Radio d'ici 10h. Il y a déjà 4 places pour aller au parc Astérix. C'est déjà un gros cadeau ça. 4 places pour aller à Astérix. On a encore rajouté quelque chose hier. Pour aller vous éclater en famille. Et aujourd'hui, j'ai rajouté plein de goodies jeux vidéo. La box va gonfler, va prendre de l'ampleur. Mais elle peut être gagnée aujourd'hui. Attention. Bien sûr. Elle peut être gagnée aujourd'hui. On va appeler au hasard en Belgique. Si la personne répond Fun Radio à la question quelle radio t'offre le plus de cadeaux, elle répond Fun Radio, elle gagne déjà 4 places pour Astérix et des goodies jeux vidéo. Si elle répond mal, on rajoutera encore quelque chose et ainsi de suite tous les samedis et dimanches. Si elle n'est pas gagnée pendant 2 mois, vous allez voir la box, ça va déborder. Elle rentrera plus par la porte, la box. Ça va être ça. Dans quelques secondes, on va s'intéresser à la télévision et dans les coulisses de Koh-Lanta. Tu regardes Koh-Lanta, Kaufman ? Tu es le... Oui, bien sûr. Toi, t'es le totem, non, Koh-Lanta, non ? Ah, j'aime bien le totem. Allez, on en parle après Jonas Blue sur Fun Radio. Like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. C'est dimanche, on est en direct, c'est que du fun sur Fun Radio avec Willy William. Et là, on fait un point sur la télévision et les coulisses de Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est tous les vendredis soirs sur TF1. Kaufman, toi, t'es un grand fan de Koh-Lanta. Hein. Ah oui, moi, en fait, mon kiff, c'est de regarder Koh-Lanta en mangeant. Ah, en mangeant. T'es c'est un peu pervers. Ça se fait pas, ça, par contre. Ça, c'est méchant, par contre. Mais tu vois quand ils ratent une épreuve de confort, moi, je m'ouvre un magnum, tu vois. Mais t'es dans le confort tout le temps, en fait. Ils viennent toujours l'épreuve. Écoute, je vais jusqu'au freezer prendre et quand je l'ouvre, c'est vrai que je suis souvent gagnant. Ouais. Et quand t'as pris ta glace, il fait aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'ai enquêté sur comment ça se passe avant d'entrer dans le jeu. Que font les candidats de Koh-Lanta juste avant de commencer le jeu? Eh bien, les candidats, ils arrivent tous sur Paris pour rejoindre la production et à ce moment-là, c'est le grand départ vers l'aventure Koh-Lanta. Fini le téléphone portable, fini internet. Ok. Ah bon, dès qu'ils arrivent sur Paris, ils sont même pas déjà sur l'île, qu'on leur enlève le téléphone portable et on leur enlève internet. Ils doivent communiquer à personne. Les candidats, ils arrivent deux jours avant le jeu, deux jours avant le commencement. Ils voyagent par petits groupes, ils se connaissent même pas. Ils sont chacun dans une chambre d'hôtel, ils ne se voient pas. C'est très important de le dire. On pense qu'il y a déjà des alliances avant le jeu, ce n'est pas possible. Ils peuvent pas se voir, on les met dans un isolement, on va dire une chambre isolée. Ah, c'est pas fermé à clé quand même. Oui, ok, mais ils peuvent pas non plus trop communiquer. La production surveille vraiment ça pour pas qu'il y ait d'alliance avant le jeu. Après, ils reçoivent la visite du médecin à deux reprises pour voir s'ils vont bien. Et dès leur arrivée et avant leur entrée dans le jeu, le médecin arrive. Et une psychologue est également là à leur rencontre parce qu'on sait que les candidats de télé-réalité, bah des fois, voilà, ça part. Ils pètent les câbles, quoi. Ouais, ils pètent un peu des câbles. Donc, ils ont un psychologue pour voir dans quel état d'esprit ils sont. Ils font également des photos. Et après, ils commencent le jeu. Donc, il y a vraiment un gros, gros planning avant de commencer le jeu. Qu'enfin, je dis ça pour toi si tu veux t'inscrire à Koh-Lanta, tu vois. Non, moi, j'imagine les candidats à Koh-Lanta qui sont dans leur chambre d'hôtel. Écoute, je vais me construire une cabane. Je vais prendre un peu d'avance. Je vais prendre le lit de l'hôtel, je crois. Je vais l'emmener sur l'île. C'est formidable. Dans quelques minutes, destination web, Kaufman. Et oui, on prendra la destination de la Belgique. Et on parlera d'une appli, une appli qui a déjà séduit un étudiant sur 7 en Belgique. On est comme ça, on aime vous diffuser les infos jeux vidéo, les infos web, les coulisses de la télé, les infos sportives. On a le cœur sur la main au niveau des infos et au niveau des cadeaux. Voici Willy, William et Paris sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un RDT sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day. Qui arrive dans quelques secondes et là on part destination le web avec Hoffman. Oui, je dépose mes valises chaque samedi, chaque dimanche, 7h, 10h, et bien sur quelques applications web, quelques adresses sympas. Et ça se passe en Belgique la majorité du temps, comme à l'image de cette application qu'un étudiant sur 7 a déjà installé en Belgique. C'est beaucoup quand même, un étudiant sur 7 c'est énorme. Hein. Ouais, il s'agit de l'application NextRide, puisque c'est une start belge qui s'appelle NextRide, qui remporte un succès fulgurant, son appli donc du même nom, qui remporte ce succès, ouais. Avec une application mobile qui permet aux usagers de transport en commun de consulter les horaires de bus dans toute la Wallonie. Et pas seulement, ça te permet de gérer tes horaires, d'aménager eh bien, ton temps libre. Ah, c'est ouais. Vraiment une appli à tout faire, et un étudiant sur 7 utiliserait aujourd'hui NextRide au quotidien, c'est-à-dire qu'on l'utilise vraiment non-stop, et c'est pas une appli qu'on consulte de temps en temps. À ce train-là, à ce rythme-là, la start-up a déclaré qu'elle espérait encore se rapprocher des étudiants en allant sur les campus pendant ouais. la rentrée, en allant dialoguer avec eux, et c'est vrai qu'ils vont encore renforcer leur offre, à savoir rajouter des fonctionnalités. C'est formidable, ça s'appelle comment ça ? NextRide, et c'est téléchargeable sur iOS et Android. Comment tu l'écris ? NextRide. Ok, parfait. Ça application permet... belge pour un public belge, moi je dis bravo. Ouais, bravo à eux. Dans quelques secondes, on parlera également encore de jeux vidéo avec Hoffman. Oui, on parlera des fans de Dragon Ball Z, de Dragon Ball qui font être aux anges grâce à la sortie de Xenoverse 2 et de ses phases de bêta dont on a la date maintenant et que je vous communiquerai dans quelques secondes. On fera encore quelques points sur le sport et à la fin de l'émission, la grande box Fun Radio. On a 4 places pour aller à Astérix, puis Hoffman a rajouté des goodies. Oui, goodies et jeux vidéo sont au programme de la box. C'est la nouveauté de C'est que du fun, 7h-10h. On va vous régaler, hein. On va vous appeler chez vous si vous répondez Fun Radio à la question qui vous offre le plus de cadeaux. Ouais. Eh bien, si vous répondez Fun Radio, c'est gagné à vous tous les cadeaux qui se trouvent dans cette box, à savoir des places pour aller à Astérix, au parc Astérix, en famille, hein. 4 places, bien on sûr. Défile, comme ça, ces cadeaux, c'est pour nous. En plus des goodies jeux vidéo, histoire de bien commencer ce dimanche-là. Et on vous rappelle, amis bruxellois, vous qui vivez dans la région de Bruxelles, c'est journée sans voiture aujourd'hui. Ah, oui. Ne prenez pas la voiture, allez à pied, profitez des rues, profitez des parcs, réappropriez-vous votre ville. Et pour les autres, faites comme d'habitude. Hein. C'est ça, faites comme d'habitude. Et pour le son Dancefloor, Major Lazer et Justin Bieber sur Fun Radio.

vos tubes Fun Radio. Feder. Tous vos tubes préférés commence sur Fun Radio. Le son. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. Ne cherchez plus votre radio, c'est Fun Radio. 7h-10h le samedi et le dimanche, c'est que du fun. La suite du son dance floor avec Amir. Et là, on fait un point sur le sport avec Kaufman. Chaque week-end, le samedi et le dimanche, on vous propose de parier sur les rencontres sportives. Si vous voulez pas parier, c'est pas grave. Vous êtes au moins au courant de ce qui se passe dans l'actualité sportive. Et là, il y a de la Formule 1 aujourd'hui. C'est le Grand Prix de Singapour. Kaufman, je vais te donner les cotes. Je vous rappelle que les cotes, ça sert à parier. C'est-à-dire que si la cote est de 2 et que vous misez 1 euro, vous gagnez 2 euros. Pour les vainqueurs, là, je te parle, Kaufman, je parle des vainqueurs. Bien sûr. Du Grand Prix de Singapour. Je te propose Nico Rosberg, coté à 1.8. D'accord. Okay. Daniel Ricciardo, 3.7. D'accord. Lewis Hamilton, 4. Ah bon? Ouais. Fernando Alonso, 500. 500? Ouais. Et Nico Hülkenberg, 250. Donc c'est-à-dire, si je mets 1 sur Alonso, je touche 500. Si tu mets 1 euro sur la victoire d'Alonso et que Alonso gagne cet après-midi au Grand Prix de Singapour, tu gagnes 500 euros, effectivement. Bah, je vais le faire. Non. Si? Non. Bah si, pourquoi pas. Bah pour 1 euro, c'est vrai que 1 euro c'est rien, tu vois. Ouais, c'est mon petit reste de la journée. Moi je pense que Fernando Alonso, je le vois pas gagner aujourd'hui, vraiment pas. Mais Hamilton, côté à 4, c'est déjà pas mal hein. Si tu mises par exemple 10 euros, tu gagnes 40 euros. Non mais j'ai plus 10 euros, j'ai force de semaine en semaine, je me balade avec des pièces. C'est vrai, moi je parie sur une victoire d'Hamilton de ce soir, je pense. Parce Hamilton a fait des mauvaises qualifs hier. Mais là il est passé en 3ème position, je crois que sur la grille de départ et donc, c'est le Grand Prix de quoi? De Singapour. D'accord, ouais, bah, c'est cet après-midi. Décalage, ouais, c'est un décalage, mais il est diffusé à 14h. Ah parfait. Donc voilà, 14h Grand Prix de Singapour, on vérifiera Kaufman si t'as eu raison sur la victoire d'Alonso. Si tu gagnes 500 euros le week-end prochain, ça va être la fiesta. Hein. Ah oui. Tu donnes des cadeaux à tout le monde là, hein, c'est bon. Il est parti. Dans quelques minutes, le chiffre du jour, Kaufman. Oui, le chiffre du jour qui se compte en seconde. Seconde, ouais. Une seconde, 71e. 71 centième. Ah, je connais la réponse. Non, je veux pas savoir ta réponse. C'est le chiffre du jour. Parce que dans C'est que du fun, on vous amène l'information servie bien chaud, tout chaud. Bah oui, chaque samedi, chaque dimanche, votre morning 100% belge est là, 7h, 10h. Merci de nous avoir choisi. Et voici Amir, j'ai cherché sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la matinée, bon ménage pour certains. Ah oui, le dimanche, tu ménages quand même, Kaufman. Ah oui, je le fais jamais le ménage. Moi. Ah oui, ça j'ai bien remarqué. La suite du son Dance Floor, Lost Frequencies. Et là, le chiffre du jour. Oui, une seconde, 71 centième. C'est le chiffre du jour. C'est le coureur algérien malvoyant Abdelatif Bacca qui a terminé le 1500 mètres paralympique plus vite que le vainqueur valide de la discipline. Les trois suivants ont également réalisé un meilleur temps. C'est quoi le chiffre du jour? Une seconde. C'est pas une seconde, je pense pas. 1500 mètres, une seconde, le mec est hyper fort. 1 km 500 en une seconde, Kaufman. Non, c'est une seconde de mieux. Ah, une seconde de mieux. Oui, il faut écouter ce que je dis. Ah ok, je crois que c'était une seconde, le mec qui a fait ça. Une seconde et 71 centièmes de mieux. Ah, de mieux. Ah, de mieux, ok, d'accord. Okay, ah oui, il s'appelle pas Flash Gordon. Hein, mec. Je me suis dit, putain, 1 500 000, une seconde, il est fort le type quand même. Ok, et donc, ouais, c'est bien. Et c'est, c'est complètement fou. C'est un malvoyant. C'est un malvoyant. Oh, effectivement, ouais, les Jeux Paralympiques en ce moment à Rio, hein, c'est ça, Kaufman. Exactement. Et effectivement, c'est un super record et bravo à eux parce qu'ils ont fait des super records. Il y a aussi un joueur de ping-pong. Ouais, tennis de table. Ouais, qui a fait un truc de malade avec sa raquette, il la prenait dans la bouche et il jouait comme ça. C'est un truc de malade, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et vraiment bravo à eux. Bravo pour les Jeux Paralympiques. Olympique aussi parce que c'est une belle une compétition quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est bien sûr. De faire les deux, c'est bien de faire les Jeux Olympiques, mais c'est bien aussi de faire les Jeux Paralympiques. Dans quelques minutes, on va parler de jeux vidéo, le fun game. Oui, on terminera et eh bien ce dimanche par vous parler de Sengoku et de toute sa famille puisque Xenoverse 2 revient bientôt. C'est un jeu vidéo consacré à l'univers de Dragon Ball et j'ai déjà les deux dates de bêta, autrement dit deux dates pendant lesquelles vous pourrez essayer totalement gratuitement le jeu. Et on aura également la grande box Fun Radio aujourd'hui avec 4 places pour aller à Astérix et Kaufman a rajouté des goodies. Goodies et jeux vidéo dans la box Fun Radio, dans la box C'est que du fun. Et voici Lost Frequencies et Beautiful Life. Anywhere you wanna go, I follow. Yeah. mama, no. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Le Sundance Floor continue avec Alex Germis. Il reste 20 minutes d'émission et vont être complètement folles ces 20 minutes d'émission. Il y aura le Fun Game avec Kaufman. Oui, on vous parlera des dates de bêta, autrement dit, des dates pendant lesquelles vous pourrez jouer à Dragon Ball Xenoverse 2 pour vous faire une idée, des bêta tests comme on les appelle. Et dans quelques minutes, la grande box Fun Radio, 4 places pour aller à Astérix plus des goodies jeux vidéo, Kaufman. Oui, on a rajouté à ces 4 places Astérix pour aller au parc Astérix, et bien des goodies jeux vidéo qui vous feront sans doute plaisir. Restez attentifs, parce que si le téléphone sonne là, ouais, dans quelques minutes, c'est pas anodin. Ça veut peut-être dire que Fun Radio appelle chez vous à la question qui vous offre le plus de cadeaux. C'est Fun Radio, bien entendu, qu'il faudra répondre. C'est que du Fun reviendra aussi la semaine prochaine, bien si sûr, jamais ce n'est pas gagné. La grande box, ouais. Encore plus de cadeaux à l'intérieur de notre grande box, et ainsi de suite, jusqu'au moment où nous trouverons, oh, alléluia, notre heureux élu. Ouais. Bref, vous l'aurez compris, 7h, 10h, c'est que du Fun, et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Effectivement, c'est que du Fun. Et après 10h, on continuera encore avec des cadeaux sur la page Facebook. Hein. Bien sûr, on mettra en ligne aux alentours de 10. Bah, le temps que je rentre finalement dans cette journée sans voiture. Effectivement, vers 11h alors. 11h, ouais, 11h30 pour gagner un Wistiki. C'est un petit porte-clé qu'on attache à ses clés. Ouais. Histoire. Magnifique. C'est, hein. Oui, c'est designé par Stark. Et grâce à ce petit porte-clé, eh bien, couplé à votre smartphone, vous ne perdrez plus jamais vos clés. C'est un petit gadget très très sympa. Et en plus, pas besoin de changer les batteries. Ça dure 3 ans et puis ça s'éteint automatiquement. Okay. Et là, vous pourrez également localiser votre voiture. Vous pourrez faire plein de choses avec. On vous explique tout sur la fanpage, la Facebook page. C'est que du Fun, rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes déjà plus de 20 000 à avoir franchi le cap. Et là, voici le beau, le grand, le DJ, le belge, très belge, Alex Germis et Sweet After Glow sur Fun. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Cause I won't fall apart. If you keep on living for today, there's gonna be no way, no way. Avant 10h, je vous passe Môme sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure du Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, dernier Fun Game de ce dimanche, avec Dragon Ball Xenoverse 2, ouais, qui proposera deux bêta, autrement dit deux périodes de test. Notez dans votre agenda, prenez-le vite, 8 octobre à 10h du matin, au 10 octobre à 10h du matin, c'est la bêta fermée. Autrement dit, si vous avez envie d'une clé pour y participer, ouais, vous devez aller sur le site officiel de Xenoverse 2, que vous trouverez sur Google assez facilement, et faire une demande à l'éditeur. Attention, les places sont très très limitées. Okay. Et peut-être qu'on aura, je dis ça, je dis rien, des clés à vous offrir pour cette phase de bêta. Par contre, vous attendez quelques jours en plus. C'est la bêta ouverte, autrement dit, disponible pour tout le monde. Très bien. Du 14 octobre à 10h du matin au 17 octobre à 10h du matin, là, tout le monde peut télécharger le jeu Xenoverse 2 pour PS4, Xbox One et l'essayer, hein, se faire plaisir et voir si vous, oui ou non, vous comptez l'acheter. Donc 8 au 10 octobre, c'est la bêta fermée. 14 au 17 octobre, c'est la bêta ouverte. Et vous direz bonjour à San Goku et à toute la famille de ma part. Très joli cadeau encore, Kaufman. Merci beaucoup pour la suite de l'émission. La dernière ligne droite de l'émission, c'est la grande box Fun Radio, les 4 passes pour Astérix plus les goodies jeux vidéo à gagner. Préparez votre téléphone, ça peut sonner chez vous. On appelle au hasard en Belgique. Ça se passe juste après Mo, mais il y a aussi le nouveau Soprano sur Fun Radio. Gagnez le tout nouveau bijou de chez Apple, l'iPhone 7, grâce à Fun Radio. Fun. Dès lundi, écoutez l'Happy Hour avec Audrey de 17h à 20h et Fun Radio Connected de 20h à 22h. Et gagnez votre iPhone 7 en envoyant iPhone par SMS au 6322. Un euro le message. Merci Fun. Les cadeaux les plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Le Plug RTL. Le son. Dance Floor. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.

repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'as appelé Kirikou, ce soir j'suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, viens. La grande box arrive, oui elle est là, la grande box. Il y a aussi Deoro qui est là. Et là c'est l'heure de la grande box Fun Radio. On va appeler quelqu'un au hasard en Belgique. Si à la question quelle radio t'offre le plus de cadeaux, elle répond Fun Radio, elle gagne la grande box. La grande box contient 4 packs Astérix. Il y a également des goodies jeux vidéo, Kaufman. Exactement, on a fait le plein. Donc espérons que la personne décroche et réponde Fun Radio. On a pris des numéros au hasard, sélectionne un numéro 3. Entre 1 et 4. 3, c'est parti. Allons-y. On enchaîne. Ouais, on doit enchaîner, excusez-nous, parce que là à 10h on doit rendre l'antenne. Ouais, oh. Oui. On est en direct, on déborde un peu. Il y a Anto et le son d'une fleur. Mais oui, ça c'est, mais bon. Allez, ça va sonner. C'est parti. Allez, faut répondre Fun Radio. Ça peut sonner chez vous. Si ça sonne, c'est chez vous. Répondez. Un dimanche matin, répondre, c'est chaud aussi. On va voir. Est-ce que la personne... Bonjour. Ah. Vous êtes en contact avec la boîte à messages de... C'est un répondeur, malheureusement. La grande box Fun Radio n'est donc pas gagnée aujourd'hui. On va donc rajouter une nouvelle fois un cadeau. On va rajouter un cadeau. Mais le cadeau, je vais pas vous le dire aujourd'hui. Non, non. On vous le dit la semaine prochaine, samedi prochain, dès 7h. On rajoute un cadeau dans la grande box Fun Radio. Nous, on se retrouve donc samedi prochain entre 7h et 10h tous les week-ends. Samedi et dimanche, 7h, 10h. Bonne semaine, Kaufman. Hein. Bonne semaine à toi. Merci, c'est gentil, Kaufman. T'es mignon, toi. Ouais. Profitez bien de la semaine. Dans quelques secondes, c'est Anto que vous retrouvez. Ouais. Jusqu'à 14h, il va vous balancer les meilleurs sons dancefloor comme à son habitude. On fait plein de poutou poutou, des bisous bisous bisous. Et on se donne rendez-vous samedi prochain, 7h, 10h. C'est que du fun. Ciao, ciao. Bisous bisous tout le monde.